Chapitre 28. Les amours de Gantôme. Et pourtant, ces bouquets ne sont pas tombés du ciel. Ils n'ont pas poussé tout seuls sur le banc. Or, personne, sauf les gazans, ne pénètre dans le jardin, et personne aussi, sauf Gantôme et moi, n'a la clé de la terrasse. Je suis bien sûr, à moins de me croire somnambule, de n'avoir jamais jeté aucun bouquet du haut de la tour. Reste Gantôme. Est-ce que Gantôme... J'avais bien remarqué ses extases devant Norette, son empressement à la servir et son trouble mal dissimulé le jour de lessive à l'aspect des fleurs offertes par moi. Gantôme doit être coupable. Je l'ai fait comparaître. Il est venu, l'air repentant, la mine basse. Holà, maître Gantôme, lui ai-je dit. Est-ce ainsi qu'on comprend ses devoirs de page? Et pensez-vous que j'autoriserai une personne de ma suite à nouer de coupables intrigues dans la maison qui nous offre l'hospitalité? La solennité d'un tel début acheva de décontenancer le misérable. C'est en sanglotant qu'il avoue toute une série de méfaits. Pendant que je le croyais occupé à rouler les ruelles du Puget Mort, en compagnie des galopins de son âge, à pêcher la truite au torrent ou à dénicher capture rare quelques couvées de mer de roche, Gantôme, ambitieux déjà, rêvant de plus hautes destinées, avait entrepris, pour son compte, la conquête de la chèvre d'or. Il s'est lié avec Peuparle. Ce vieux fou l'honore de ses confidences et maître Gantôme, en échange, lui a fait part de mes projets. Le soir, Gantôme apprend à connaître le nom des étoiles. Puis, s'asseyant dans la lavande, ils s'entretiennent longuement du roi de Majorque et de la chèvre. Gantôme croit fermement à l'existence du trésor. Il sait d'ailleurs, toujours par Peuparle, des détails curieux que j'ignorais. C'est bien, comme je l'avais conjecturé, l'ombre d'une pierre, à certaine heure du jour, à certaine époque de l'année, qui doit marquer la place où il s'agit de fouiller. Là, on ne trouvera pas encore le trésor, mais une cassette en fer contenant des papiers mystérieux. Avec ces papiers, la réussite est certaine. Seulement, on ne peut rien faire sans mademoiselle Norette, qui possède le talisman, portant gravé le secret de l'ombre. Une clochette, peut-être? Oui, il me semble que Peuparle a prononcé le mot de clochette. Gantôme, au surplus, me jure qu'il n'a jamais prétendu accaparer seul le trésor. Son intention était d'en faire deux parts, l'une à moi destinée, l'autre destinée à Patron Ruf. Comme récompense, Gantôme se contentait du bonheur d'épouser Norette et de vivre éternellement auprès d'elle. C'est avec l'espoir de plaire à Norette que, d'après les conseils de Peuparle, il avait imaginé le galant envoi de bouquets dont Norette me fait honneur. Mais Gantôme comprend désormais combien tout cela est irréalisable. Il a renoncé à Norette silencieusement, sans se plaindre, dès qu'il a vu qu'elle m'aimait. Et maintenant, meurtri par l'écroulement de son rêve, il me supplie de le garder, de ne pas le renvoyer avec Patron Ruf. La joie est mère d'indulgence. Je pardonne à mon rival de 12 ans. Il essuie ses larmes. Il me remercie en essayant de sourire. Mais Norette, visiblement, lui tient au cœur. Et la blessure saigne encore. Hélas, qui eût imaginé que Gantôme serait la première victime de cette capricieuse chèvre d'or?